vie, au prix de ta liberté, ta vie dans la société. Maintenant ils vont t'enfermer. Aujourd'hui tu es bloqué, tu vas rester dans le noir. L'heure de tes espoirs. Non, je ne veux pas. Non, je ne pourrai. Tu vas rejeter et tu vas rejeter.